Quand on me dit qu'elle allait passer, ma poitrine se souleva comme si elle avait dû éclater. Mes jambes défaillirent, mes yeux se voilèrent, je ne la vis pas. Charles Nodier. 4. Le mariage de Berthe et d'Eugène eut lieu un mois après l'arrivée de ce dernier à Paris. Les apprêts de la noce furent tristes. Et lorsqu'après la cérémonie, la mariée chercha le regard de son nouvel époux, elle ne trouva qu'un œil terne, froid et un air de gravité imposante. « Tout est fini, » murmura-t-elle à demi-voix. « Dieu merci, » répondit Eugène du même ton. Et dans ces deux mots qui lui étaient échappés, comme à son insu, il n'y avait nul bonheur, nulle félicité humaine, mais plutôt un sentiment profond de douleur ineffable. Le lendemain, les deux époux déjeunaient ensemble lorsqu'on leur remit à chacun une lettre. Berthe crut remarquer que l'écriture des deux adresses était la même, mais, n'y apportant qu'une légère attention, elle ouvrit de suite la sienne. « Ma belle-sœur m'écrit qu'elle arrive, » dit-elle, interrompant sa lecture. N'obtenant aucune réponse, elle leva les yeux sur son mari. Elle le vit pâle, le regard fixe. La lettre qui le tenait tremblait dans ses mains. « Qu'avez-vous, Eugène ?»« Rien, Berthe, rien. » Et rappelé à lui par la voix de sa femme, Eugène cacha précipitamment cette lettre. Il se leva et fit quelques pas, comme pour s'en aller. « Mais vous ne m'avez donc pas entendu, Eugène ? Je vous ai dit que ma belle-sœur arrivait. « Qui ? Quelle belle-sœur » demanda-t-il, s'arrêtant au milieu du salon. « Mais Alphée, la veuve de mon frère, Madame de Maugis. Mon ami, vous souffrez, ou peut-être quelque mauvaise nouvelle. Cette lettre ? Cette lettre ? Non, Berthe, c'est le feu qui m'a porté à la tête. Je crois que j'ai besoin d'air. » Puis, sans écouter sa femme qui le rappelait, il sortit tout à fait. J'ai oublié de vous dire que Berthe avait eu un frère, que ce frère était mort depuis 2 ans, laissant une veuve sans enfant. C'était Alphée. Elle arriva que Berthe était encore toute émue du brusque départ de son mari. C'était une très jolie femme qu'Alphée, svelte, élégante, blanche, avec de beaux yeux noirs. Berthe, la pauvre Berthe, si disgraciée, elle, si peu favorisée de la nature, s'extasiait en la regardant. Que voulez-vous ? Elle sentait le prix de la beauté, et bien plus vivement qu'une autre en ce qu'elle en était privée, de même que le malade sent mieux le prix de la santé dont il ne jouit plus. « Que tu es belle, Alphée !» lui dit Berthe dans l'abandon de son âme. « Mais tu es encore embellie, je crois. » « Bonjour, bonjour, bonne sœur !» répondit celle-ci d'un air préoccupé. « Hé, dis-moi, ton mariage ?»« Est fait, depuis hier. »« Fait ? C'est fini ? Tu es mariée ?»« Eh, mon Dieu, quel étonnement ! Tu n'as donc point reçu la lettre qui t'en faisait part ?»« Si, mais tu ne m'y disais pas qu'il dut avoir lieu aussitôt. »« Je ne le savais pas moi-même. J'espérais le retarder, mais Eugène l'a voulu. » « Il l'a voulu. Il t'aime donc bien. » Berthe répondit avec naïveté et sans remarquer l'amertume qui régnait dans le ton d'Alphée. « Il m'aime. Oh, que je le voudrais. Mais peut-on m'aimer ? Dis, regarde-moi bien. Je ne suis pas belle comme toi, moi. Et toi, l'aimes-tu ? Avec passion, avec ivresse. Je ne vois de bonheur qu'avec lui, près de lui. Quand ses yeux s'arrêtent sur moi, ils y appellent la vie. Quand il me parle, sa voix vibre à mon oreille comme une musique céleste. Si par hasard sa main touche la mienne, non, Alphée, il n'appartient pas au langage humain d'exprimer ce que j'en ressens. Tous les mots seraient froids pour cela. Écoute, mon front brûle, des larmes surgissent dans mes yeux, mon sein se gonfle, mes artères battent à me couper la respiration. Tout mon sang reflue vers mon cœur, une douce chaleur pénètre mon corps, et j'éprouve un bien qui me rend heureuse. Quel feu, Berthe ! Oh, c'est que je sais si bien aimer. Mon Dieu, Eugène ne me rendra-t-il donc jamais une partie de l'amour que j'ai pour lui ? Est-ce que tu en douterais ? Et un éclair de joie jaillit des yeux d'Alphée. Berthe passa sa main sur son front et ne répondit rien. Eugène ne revint que le soir. Son air était sérieux, son maintien composé, sa figure pâle. Sans regarder Alphée, dont l'embarras était visible, Berthe courut au-devant de son mari. « Venez donc saluer ma sœur, » lui dit-elle. Eugène obéit. Son salut fut cérémonieux. Alphée le rendit sans lever les yeux. Il fallait toute l'innocence de Berthe pour, voyant cela, ne se douter de rien. Après un moment de silence, Eugène, assez remis pour que sa voix ne trahît pas son émotion, s'excusa auprès de sa femme de n'avoir point paru au dîner. Il prétexta une affaire. « Qui vous afflige beaucoup ?» dit Berthe avec intérêt. « Je ne le cache pas. J'ai reçu ce matin une mauvaise nouvelle. »« Mauvaise ?» répéta Alphée à demi-voix. « Dans cette lettre, n'est-ce pas, Eugène ?» dit Berthe. « Oh, je m'en suis bien aperçu, mon ami. Ne puis-je savoir ce qui vous chagrine ? Dites, ne suis-je donc pas votre ami pour prendre la moitié de vos peines ? On les allège en les racontant, croyez-moi. » « Ce n'est pas seulement mon secret, Berthe, c'est aussi celui d'un ami. »« Que vous ne pouvez me confier ?»« Pardonnez-moi, mais c'est une histoire bien triste, je vous en avertis. »« N'importe, j'aime à pleurer. »« Certes, il faudrait être bien insensible pour écouter celle-là de sang-froid. »« Eh bien, commencez, mon ami, je vous écoute. »« Si je ne craignais de fatiguer madame. » Et une ironie amère perçait dans le ton d'Eugène, dans le regard qu'il jeta sur Alphée. Les larmes en vinrent aux yeux de la jeune veuve. « Suis-je donc ici et pour vous une étrangère ? » dit-elle d'une voix émue. « Non, mon Alphée, non, tu n'es pas une étrangère. » Et Berthe jeta ses bras autour du cou de sa belle-sœur. « Mais, pardonne Eugène, il ne sait pas comme moi que tu es aussi bonne que belle. » « Belle ?» répéta Eugène hochant la tête. « Elle était bien belle aussi, celle dont je vais vous entretenir. La beauté est souvent un bien funeste présent du ciel. »« C'est un reproche que l'on ne peut m'adresser, » dit Berthe en souriant. Eugène continua. « Et aussi une arme, bien dangereuse, chez une coquette. Vous êtes bien sévère ce soir, mon ami, mais, de même que devant moi, vous ne dites pas de mal des femmes laides, de même, devant Alphée, vous devez ménager la beauté. Voyons, mon ami, nous sommes avides de vous entendre. » Eugène ouvrit une espèce de manuscrit. Son air avait quelque chose de singulier, d'inexplicable.